danse, danse, ma belle, elle joue avec mes sens, me lance des regards froids, se balance, elle pense que c'est comme ça que je n'oserais pas. Cousine des îles, viens dans ma cuisine, que je te brise les chines, même sur du zouk, je suis in. Quand je vois tes yeux bien brillants, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, pire que d'année, je fous de joie. Je veux que tu m'aimes comme on aime quelqu'un sans peur. Je veux que tu fasses une place dans ton cœur. Avec moi, trouve ton bonheur. Viens, ma belle, qu'on fasse des sacrées soirées. Question chop, t'inquiète, j'ai préparé. Approché d'elle, pas besoin que je te donne la notice. Elle tend ses bras vers moi, je me place entre ses cuisses. Sa peau est lisse, mes mains glissent doucement, je lui fais un kiss. Apparemment, elle kiffe, elle me dit Belgique. Non, je n'ai pas de chance. Moi, l'enfant de la délinquance. Je commets un délit dans cette danse. Oui, je n'ai pas de pas, j'ai essayé de tout avec amour, mais j'étais trop naze. Non, je n'ai pas de chance. Maintenant, chaque nuit, j'y pense. Tu me manques. Et j'ai tout fait pour la revoir en train, mais aujourd'hui il est trop tard. N'allons pas méchant, parce que je gagne et tout va. Et pas qu'à faire mal, à tout conquérir les sensations. N'allons pas méchant, parce que je gagne et tout va. Et pas qu'à faire mal, fais mal, t'es cola cola. C'est l'auto, j'ai gagné le grand prix, le lolo, chérie. Mamie, c'est belle, joue le sentimental, ça très normal. Je l'embrasse doucement, lui dis plaisir, plaisir de mes nuits. Allons au lit, doudou, en nous, et DJ Rappa New Jack, et boum boum tchak pour du zouk. Look correct, j'attaque et pour le souk, braque. Mon regard sur la chabine au fond de la salle, me lèche les babines et la chaleur s'installe. Moi pas qu'à flairer parce que moi trop fier collé. Serré la miss, laisse tomber ses paupières serrées. Elle a crié la bosse dans mon pantalon. Vas-y Lino, c'est bon bon. C'est plus qu'un désir. Je ne sais plus trop quoi penser quand je vois un Bouddha bien roulé. Avec ma tchatche de malin, j'ai enchaîné des tifs ou naisseux jusqu'au matin. Mon corps était serré, moi t'étais qu'à danser.